je rêve d'évasion, partir loin, loin, qu'importe la destination, l'important n'est pas la fin. Conscient de ce que je quitte, ma famille, mon équipe, je veux partir au plus vite pour un infini road trip. Je rêve d'évasion, partir loin, loin, qu'importe la destination, l'important n'est pas la fin. Conscient de ce que je quitte, mais aussi ce que j'évite, je veux partir au plus vite pour un infini road trip. Incertitude sur mon devenir, je ne sais à quel sein me vouer. La servitude veut m'anéantir, mais devant elle jamais dévouée. J'ai déjoué mes doutes, ils reviennent en question. J'ai fait mes jeux, la suite s'appelle interrogation. Mes bagages en soute, je rêve d'une belle constellation. Les barrages sur ma route ne me causeront plus de consternation. Je rêve de voyages, voir de nouveaux visages, d'inconnus paysages, que soit plus des mirages. Je veux partir sans visa, dépasser les frontières, pas destination Ibiza, un endroit jamais découvert. Je veux un retour simple au départ de l'enfer. Partir sans me retourner, loin de vos hémisphères. Après un lavage de vos serres, amnésie volontaire. Mes souvenirs en conserve, je devrais m'y faire. Je ne suis pas fait pour vos terres, ni pour devenir militaire. Les deux côtés de l'équateur, c'est des frères qu'on enterre. Ils ont rayé le mot espoir de mon vocabulaire. Comprends que je vais voir du côté de l'interstellaire. Je refuse de croire que mon destin est scellé. Qu'on me laisse choir au bord d'un chemin esselé. J'ai tellement peu d'attache, depuis longtemps je suis saoulé. Je m'applique pour chaque tâche, mais je vois tout s'écrouler. L'espace-temps ils l'ont créé, ils nous ont bien roulé. Imposer des codes, voir ce qu'il en a découlé. Je veux sortir de mon corps, toucher d'autres dimensions. Pas attendre ma mort pour d'infinies sensations. Je rêve d'évasion, partir loin, loin. Qu'importe la destination, l'important n'est pas la fin. Conscient de ce que je quitte, ma famille, mon équipe. Je veux partir au plus vite pour un infini road trip. Je rêve d'évasion, partir loin, loin. Qu'importe la destination, l'important n'est pas la fin. Conscient de ce que je quitte, mais aussi ce que j'évite. Je veux partir au plus vite pour un infini road trip. Je rêve d'évasion, tel un dollar. Dis-moi, est-ce trop tard? Marre de schémas sur les mêmes trottoirs. Ça l'écrase de ma ville, je veux bouger avant d'être couché pour de bons raids. C'est ce qui me tient debout et chaque jour me lève. Envie de me barrer, loin d'ici, mon carré. Comme on disait, je veux quitter mon beffroi et mon viaduc. Voir ailleurs et savoir se bouger le huc. Et ne fût-ce qu'une fois dans ma vie, je crois que j'ai fait le tour. J'ai pesé le contre et le pour. Je voudrais un aller sans retour. Destination, bonheur et chance. Car pour l'heure j'y pense, et j'y pense seulement. Si seulement je pouvais fuir la routine. Cette vie trop monotone, où s'entassent les soucis par tonne. Faut que je me tire, et désolé si ça t'étonne. Je rêve de nuit comme au Carlton. Allez ce soir, j'ai fait mes cartons. Je déménage, quitte ce monde de menaces et de nazénage. Dans le paradis au-delà des nuages. Embarcation et je décolle, car y'en a marre de la déconne. Restons sérieux, je t'amène à milieu de milieu et de son milieu. Je vais toucher l'infini et je finis ma vie aux côtés des étoiles. Meilleure galaxie, viens dans mon taxi. Allons décrocher la lune et les astres. Quittons les problèmes de thunes et autres désastres. Bref, allons loin, loin, loin et viens si tu fais partie des miens. Je rêve d'évasion, partir loin, loin. Qu'importe la destination, l'important n'est pas la fin. Conscient de ce que je quitte, ma famille, mon équipe. Je veux partir au plus vite pour un infini road trip. Je rêve d'évasion, partir loin, loin. Qu'importe la destination, l'important n'est pas la fin. Conscient de ce que je quitte, mais aussi ce que j'évite. Je veux partir au plus vite pour un infini road trip. Je rêve d'évasion, partir loin, loin. Qu'importe la destination, l'important n'est pas la fin. Conscient de ce que je quitte, ma famille, mon équipe. Je veux partir au plus vite pour un infini road trip. Je rêve d'évasion, partir loin, loin. Qu'importe la destination, l'important n'est pas la fin. Conscient de ce que je quitte, mais aussi ce que j'évite. Je veux partir au plus vite pour un infini road trip.